Léni par Émile Zola. Il est un peuple d'amoureux qui vit à l'aise dans la fumée et le tapage de Paris. Il aime, chante, flâne tranquillement au beau milieu de la machine, sans s'inquiéter de ses sifflements, ni de ses secousses. Peu lui importe que le titan travaille et s'essouffle. Il donnerait toutes les inventions modernes pour un brin de paille et toutes les forteresses du monde pour un rayon de soleil. Ces amoureux-là sont de gais philosophes. Ils ont l'adorable naïveté des pauvres d'esprit et des amants. Ils se font la cour et bâtissent leur nid au centre même de la machine, dans sa fumée et son tapage. Je veux parler de ce petit peuple de moineaux. Les premières tiédeurs du printemps leur ont dit que l'heure des amours était venue. Et, plus sages que les hommes, ils se sont mariés, selon leur cœur, oubliant les soucis de ce monde. Hier, aux Champs-Élysées, une jeune femme, une épouse qui allait être mère, était assise devant une des pelouses du carré Marigny. Elle était vêtue de soie grise et ses petites mains gantées, les dentelles de sa jupe et de son corsage, la pâleur tendre de son visage, témoignaient de l'élégante et riche oisiveté de sa vie. Elle avait cet air de nonchalance que donne le luxe satisfait. La jeune dame regardait deux moineaux qui sautaient gaillardement dans l'herbe de la pelouse. À tour de rôle, ils venaient voler un brin de paille et se sauvaient sur un arbre voisin. Ils bâtissaient leur nid. La femelle prenait délicatement chaque fétu, le tressait aux autres matériaux déjà portés, l'aplatissait sous le poids tiède et frissonnant de sa gorge. C'était un va-et-vient furtif et silencieux, une besogne d'amour où la tendresse suppliait à la force et à la richesse. L'inconnue vêtue de soie grise, la jeune épouse qui allait être mère, contemplait les deux amants qui préparaient en toute hâte le berceau de paille. Elle apprenait la science des pauvres gens qui n'ont que quelques brins de foin et la chaleur de leurs caresses pour protéger leurs petits contre le froid. Elle eut un sourire d'une douceur triste et je crus lire la rêverie qui passait dans les grands yeux songeurs. « Hélas, pensait-elle, je suis riche. Je dois ignorer les joies de ces oiseaux. » Un ébéniste fait en ce moment la barcelonnette de bois de rose dans laquelle une nourrice picarde ou normande bercera mon enfant. Une machine à vapeur, noire et banale, fabrique quelque part les tissus de laine et de fil qui entoureront et réchaufferont ses membres délicats. Une ouvrière coule la layette, une sage-femme s'apprête à donner les premiers soins au nouveau-né. Je ne serai qu'à moitié la mère du pauvre petit, je le mettrai nu au monde et il ne tiendra pas tout de moi. Que ces moineaux sont heureux! Ils construisent le berceau, tissent les étoffes qui serviront à leurs enfants. Ils n'ont rien et ils créent tout, par un miracle d'amour. Ils changent en barcelonnette chaude et commode le premier tronc d'arbre, le premier trou de muraille venu, et quelques brins de foin leur suffisent. Leur pauvreté, leur faiblesse leur procurent les voluptés les plus pénétrantes. Oh, que je voudrais pouvoir fabriquer moi-même, et le berceau, et les tissus de laine, et de fil, et la layette dont mon fils aura besoin, pour vivre et grandir. Une mère seule peut comprendre les frémissements d'aile d'une femelle posée sur son nid. Nos épouses envient la maternité laborieuse des oiseaux. Je comprends mieux maintenant les pages attendries de Michelet, lorsqu'il parle des nids. L'outil, réellement, c'est le corps de l'oiseau lui-même. Sa poitrine dont il presse et serre les matériaux jusqu'à les rendre absolument dociles, les mêler, les assujettir à l'œuvre générale. Et au-dedans, l'instrument qui imprime au nid la forme circulaire n'est encore autre que le corps de l'oiseau. C'est en se tournant constamment et refoulant le mur de tous côtés qu'il arrive à former ce cercle. Donc, la maison, c'est la personne même. Sa forme est son effort le plus immédiat. Je dirais sa souffrance. Pas un de ces brins d'herbe, qui pour prendre et garder la courbe, n'a été mille et mille fois poussé du sein, du cœur, certainement avec trouble de la respiration, avec palpitation peut-être. L'oiseau bâtit pour la famille. Insouciant, il vivait sous la claire feuillée, en butte à ses ennemis. Mais dès qu'il n'est plus seul, la maternité prévue, espérée, le fait artiste. Le nid est une création de l'amour. Au champ, les nids poussent naturellement dans les haies et sur les arbres, comme des fleurs, comme des roses vivantes. Le premier rayon de soleil les fait éclore et fleurir. il laisse échapper des gazouillements à l'heure où les aubépines exhalent des parfums. L'air libre et pur est la véritable patrie de l'oiseau. Les pinsons, les chardonnerets, les bouvreuils choisissent les arbustes pour alcôves. Les corbeaux et les pies montent jusqu'aux dernières branches des peupliers. Les alouettes et les fauvettes restent à terre, dans les blés et dans les broussailles. Chaque taillis, chaque pré, devient une couche nuptiale, un berceau tranquille et ombreux. Il faut aux amants, jaloux de leur volupté, le grand silence et la sainte paix de la campagne. Je sais bien qu'il existe des misérables qui vident les nids pour plumer les petits ou pour manger les œufs en omelette. Aussi les oiseaux se cachent-ils chaque année davantage. Ils vont au désert. Il n'y a guère que les hirondelles et les moineaux qui osent confier leur bonheur aux murs et aux arbres des villes. Ils vivent et aiment parmi nous. Nos poussières, nos rues blafardes, nos horizons de cheminée ne les effraient pas. Ils naissent et ils meurent entre deux pavés. Ils volent à l'aise au milieu de la machine poussive et haletante de la civilisation moderne, et à chaque printemps, ils reprennent leurs amours sur nos toits, sur les cheminées de nos usines et sur les fils de nos télégraphes sans se soucier des grondements de nos carrefours. Du haut de leur nid de paille et de terre glaise, les moineaux et les hirondelles nous donnent des leçons de tendresse et de jeune insouciance. Certes, nous avons des serins en cage qui pondent et couvent, mais, bon Dieu, comme leurs amours sont tristes. On dirait que nos serins sont mariés devant monsieur le maire. Leur prison, leur nid tout fait, cette union qui les lie bêtement et fatalement, est pour moi une image de notre mariage. Ils s'aiment et se caressent parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ils ont des petits moroses et palots qui ne donnent jamais les libres coups d'ailes des enfants de l'amour. Il faut voir les moineaux libres dans les trous des vieux murs. Les hirondelles libres au fait des cheminées. Ceux-là se sont aimés en plein ciel. Il n'y a eu parmi eux que des mariages d'inclination. Ce sont des amants et non des époux. Ils jettent sur nos places de petits cris de tendresse qui dominent, pour les flâneurs amoureux, le cri aigre des locomotives. Les hirondelles aiment Paris. Elles en ont fait leur villa d'été, le coin cher à leur cœur, où elles viennent contenter leurs amours. Dès leur arrivée, les voyageuses visitent chacune le berceau qu'elles ont dû quitter au premier froid. Elles réparent la frêle maison, elles la consolident, elles la meublent de duvet. Pendant toute une nouvelle saison, elles aimeront là, elles retrouveront là les joies de l'année précédente. J'ai vu dans les villes du Midi de la France des maisons dont les fenêtres et le toit étaient bordés d'un rang régulier de nids d'hirondelles. À Paris, le tapage des rues les effraie un peu. Elles se réfugient dans les cheminées, au haut des édifices, sur la crête des vieux murs. On m'a raconté l'histoire d'un pauvre vieil homme qui, pendant tout un mois d'avril, humide et glacial, n'avait pas osé allumer du feu dans son foyer, même pour cuire ses aliments. Il entendait, par le tuyau de la cheminée, le gazouillement d'une hirondelle qui avait bâti là son nid, et il ne voulait pas désespérer cette mère en l'aveuglant d'une fumée âcre et chaude. Mais le véritable enfant de Paris, le gamin de l'air, est le moineau franc, le pierrot, qui porte la blouse grise du faubourien. Il est populaire, gouailleur, effronté. Son cri semble une moquerie, son battement d'aile un geste railleur. Ses airs de tête ont je ne sais quelle insouciance goguenarde et agressive. Il préfère certainement les allées pleines de poussière, les boulevards brûlants aux frais ombrages de Meudon et de Montmorency. Il se plaît au milieu du bruit, boit au ruisseau, mange du pain, se promène tranquillement sur les trottoirs. Il a quitté les bois où il s'ennuyait en compagnie de bêtes sottes et arriérées, et il est venu vivre avec nous, logeant sous nos tuiles, la nuit s'éclairant au gaz, et le jour faisant ses petites affaires dans nos rues, en promeneur ou en homme pressé. Le Pierrot est un Parisien qui ne paye pas ses contributions. Il jouit de la ville sans aider à son entretien. En un mot, il est le titi de la nation ailée, et il a un faible pour le pain d'épices et pour la civilisation moderne. C'est surtout dans les jardins publics qu'il faut aller, au mois de mai, pour étudier les allures lestes et tendres des pierrots. Il y a là des gens qui vont au jardin des plantes pour se poser devant les grilles et regarder longuement les bêtes enfermées. Moi, je vais au jardin des plantes pour regarder les bêtes libres, les pierrots du bon Dieu qui volent en plein soleil. les pierrots entourent les grilles d'une chanson triomphante. Ils célèbrent haut le grand air et le vaste horizon. Ils entrent impunément dans les cages, les emplissent de leur liberté et sont un éternel désespoir pour les pauvres prisonniers. Ils volent des mies de pain aux singes et aux ours. Les singes leur montrent le poing. Les ours, contents de grogner et de protester par un balancement de tête plein de dédaigneuse impatience. Eux, ils se sauvent, ils chantent. Ils représentent la liberté dans cette grande cage où l'homme a essayé de renfermer la création. En mai, les pierrots du jardin des plantes bâtissent leur nid dans les arbres des allées. Ils deviennent plus caressants et essayent de voler un brin de laine ou de crin à la fourrure des animaux. Un jour, j'ai vu un grand lion allongeant sa tête puissante sur ses pattes étendues et regardant un pierrot qui sautait gaillardement entre les barreaux de sa cage. Les yeux profonds de la bête fauve étaient humides et songeurs. On y lisait une sorte de rêverie douce et poignante. Le grand lion songeait au désert. Il laissa le pierrot lui voler un poil roux de sa patte. Et lorsque les petits sont éclos, une nouvelle troupe de railleurs impitoyables descend là-bas dans la ménagerie et apporte au grand lion les gaietés de leur vol libre et goguenard. C'était Les Nids par Émile Zola.